Vous écoutez ? La croche-oreille. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1, sur le poste radio, bien sûr, des ondes que l'on capte aussi sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver ce soir. Bon, en compagnie de nombreux artistes qui étaient au programme sonore du Festival international de musique actuelle de Victoriaville, édition de mai 2024. Je vous propose ce soir rien de moins que le parcours en tant que tel, puisque j'ai eu la chance, vraiment une belle chance, de parcourir les œuvres d'art public en compagnie du commissaire Éric Dorion, des bénévoles venus tendre la main aux visiteurs, histoire de les mener au travers les œuvres et des artistes, bien sûr, invités à prendre part à cet événement assez unique au Québec pour ce qui est de combiner l'art sonore et les nouvelles expérimentations musicales. Dans son message au grand public, le commissaire Éric Dorion nous partage sa passion et ses motivations. Bon, inspiré par le compositeur québécois et pédagogue Gilles Tremblay, Tremblay qui est décédé en 2017, Dorion nous rappelle que l'attrait de l'objet poétique émettant des sons donne en effet envie d'y participer. Ça, c'est le mot-clé. Le public n'assiste pas à un concert, il est dans le spectacle. Une installation sonore, poursuit Dorion, est pensée par l'artiste pour modifier notre perception de l'espace et du temps. Le public avait donc l'occasion, en mai dernier, d'explorer les diverses facettes de la perception sonore ainsi que les stratégies plutôt ingénieuses adoptées par les artistes pour insuffler une touche de magie. On y retrouvait cette année une dizaine d'artistes, je les nomme Adam Bassanta, Audiotopie et La Quadrature, Pierre Boulanger, Flo Brisebois, Tim Feeney, Peter Van Aften, le duo Ménard-Saint-Amand et Jean-François Laporte. Bon, de nombreux artistes pour autant de propositions allant du dispositif poétique aux œuvres en mouvement, tout cela pour citer le commissaire Dorion, afin d'établir une connexion entre la richesse et la complexité du monde sonore. Alors, je vous propose sans interruption ce soir le parcours sonore au fur et à mesure de cette marche que je fais en compagnie du commissaire Éric Dorion et des gens qui sont pour la plupart émerveillés par les sonorités augmentées de la ville et de ses rues passantes, au grand plaisir des cyclistes médusés, des badauds attablés aux alentours de la ville aux gares de Victoriaville, pour ceux qui connaissent là, ce beau coin de la ville de Victo. Alors, on écoute cette marche que je fais avec Éric Dorion. Thank you. Éric, on débute notre entretien ce matin en regardant, écoutant aussi une installation de Jean-François Laporte, une installation assez méditative, c'est des couleurs à la fois chaudes, froides, très beau projet. Comment s'est développé ce projet? Donc c'est ça, moi c'est la troisième fois que je travaille avec Jean-François dans le cadre du FIMAV. Puis il y a 2 ans, là, il m'a parlé d'une nouvelle œuvre qui était en préparation, puis on a travaillé ensemble, en fait, pour voir un peu les possibilités, à savoir où la présenter, puis quel aurait cet impact-là, ou du moins la façon que l'œuvre se développerait. Puis à un moment donné, il m'est arrivé avec cette proposition-là qui est complètement magnifique, puis qui marque vraiment un changement de cycle, je te dirais, dans son travail. Donc, on est sur quelque chose de très précis, de méditatif, justement, de très visuel aussi. C'est une pièce qui est magnifique, là. Éric, décris-nous donc un peu brièvement là, l'organisation. Bon, on utilise comme des réceptacles métalliques. Il y a de la luminosité, puis un dispositif, raconte. Donc, vraiment disposé comme une horloge, en fait, avec 12 bols. En cuisine, on appelle ça des culs de poule. Là, c'est des saladiers en métal de différentes grosseurs qui sont installés face vers le sol. Et puis, dans les saladiers, il y a des lumières, donc il y a un système de lumière. Et puis, il y a une synchronisation. Et puis, c'est une composition qui utilise des petits moteurs en plastique qui tournent sur eux-mêmes et puis qui donnent ce ronron-là. On a une composition d'environ 25 minutes qui passe à plein d'états, donc des fois plus rapide et des fois beaucoup plus minimal. Là. Bon, Éric, on marche, toi puis moi, là. On est du long la piste cyclable, boulevard de Bigarré, c'est beaucoup de circulation, tout ça. Mais là, je vais parler au commissaire. Tu me racontes que tu es un mauvais commissaire. Bon, ça me fait sourciller, mais j'aimerais que tu me parles de cette fois-ci. Bon, comment ça se développe, ce projet de commissariat cette année pour le FIMAV édition 2024? Donc, je pense qu'on devrait appeler ça du « bad curating ». Non, c'est ça, je fais la blague. Je le pense sincèrement. Là. Je pense être un mauvais commissaire dans le sens classique du terme. C'est que, habituellement, un commissaire va développer une thématique, une pensée. Cette pensée-là va être appuyée sur des études, sur des recherches. Et suite à cette pensée, va approcher les artistes qui l'intéresse et qui travaille dans le champ de cette pensée ou de cette recherche-là. Tandis que moi, ici, franchement, je n'ai jamais une pensée au tout début. J'ai plus un intérêt vers le travail des artistes. J'approche des artistes m'approchent, et puis on travaille ensemble. L'important est toujours axé sur le son, pas la musicalité, véritablement le son. Et à chaque année, le hasard fait qu'une thématique se dégage de ma sélection. Et là, bon, l'an dernier, il y avait vraiment un rapport avec l'environnement, il y avait un rapport avec le territoire. Cette année, s'est dégagé involontairement une thématique qui est sur l'hypnotique, sur le contemplatif. Franchement, ça s'impose comme ça, ça arrive comme ça. Puis on a un parcours qui est teinté littéralement de ce sentiment de contemplation. Yeah. Alors, parle-moi de cet artiste, Pierre Boulanger. C'est un nom qui n'est pas très connu dans le secteur des arts sonores, je me trompe? Non, tu te trompes pas. Pierre Boulanger, c'est un artiste de Québec. Disons qu'en premier lieu, c'était un artiste des métiers d'art. Il a fait ça une bonne partie de sa carrière et puis à un moment donné, il a décidé de délaisser la pratique pour s'intéresser à l'art visuel puis à l'art sonore. Donc, il s'est inscrit il a fait la maîtrise à l'Université Laval et on retrouve ça. Donc, il présente deux pièces cette année. Donc, celle-ci qui est Résonance, puis il en présente une prochaine qu'on va avoir la chance de visiter tantôt. Et c'est ça, on retrouve les éléments, je te dirais, du métier d'art, le côté fini, le côté aussi qui travaille les matériaux bruts. Dans ce cas-ci, il y a de la porcelaine, de la céramique. Puis il adopte, comme un artiste-chercheur, des éléments de programmation. Et donc, on retrouve ici une œuvre qui rentre en résonance et puis qui a un principe de mécanique qui nous donne des drones, en fait, là. Vous êtes la gardienne de l'œuvre ce matin. J'aimerais ça que vous me décriviez l'œuvre qu'on a devant les yeux de Pierre Boulanger. Mais pour moi, c'est comme une fleur qui s'est étalée. Plusieurs pétales. Mmh. C'est quanti. Mais le son me rappelle toujours la caverne. Toujours. Et la caverne, pour vous, ça a là une signification particulière? Ben, c'est l'enclos, hein? C'est de toutes ces pétales qui se referment sur elles-mêmes. Et c'est un travail que vous connaissez, le travail de Pierre Boulanger? Non, pas du tout. Non. Et c'est une œuvre qui vous a séduite dès le départ? Ben, moi, je suis en art visuel, alors c'est sûr que je comprends, je sens ce qu'il veut dire. Mais je ne suis pas dans ce monde numérique. Mais ça vous fascine? Oui. Pierre Boulanger, on est devant cette magnifique installation. Parle-moi de ce projet. Comment il s'insère dans ta pratique, là, à la fois d'artiste sonore, mais aussi, j'imagine, d'artiste visuel, parce qu'on y retrouve un travail de la céramique, tout ça. Oui, cette œuvre particulière, c'est d'abord une exploration au niveau des matériaux. J'utilise le verre, le métal, puis la porcelaine pour faire des sons. Dans le fond, je cherchais à voir comment est-ce que je pouvais amplifier mécaniquement certains sons sans avoir recours à des haut-parleurs. Alors, pour les plaques de métal qu'on voit présentement, c'est vraiment ça qui amplifie les vibrations. Ça naît en arrière par un moteur qui vient par une bielle frottée sur une tige de verre qui va entrer en résonance. Les vibrations sont transmises à une longue tige de métal qui, elle, va créer le son. Puis, comme je parlais des plaques, les plaques vont amplifier ce son-là. Et ce projet-là, est-ce qu'il est pour toi l'amorce d'un travail à poursuivre qui aura peut-être plus d'envergure? Oui, clairement, j'aimerais ça déployer ça à plus grande échelle. Puis, poursuivre les recherches aussi avec d'autres matériaux puis d'autres dispositions. Pierre, grand merci, c'est très réussi. Ça fait plaisir. Bonjour. C'est une céramiste qui a exploité les sons à l'entour de tout ce qui est céramique. Elle a même appris à faire des céramiques, de la céramique, pour faire son expérience. Alors chaque installation a des sons différents. Mais elle est allée jusqu'à briser la céramique par terre pour enregistrer le son, frapper, Est-ce que les sonorités changent quand on se déplace? Oui. Sous chaque peau, il y a une expérience différente. C'est très réussi, c'est très beau. C'est une expérience. Éric, j'aimerais que tu me parles de cet artiste qui est... Flo Brisebois. Bon, encore là, une première mondiale, mais également aussi, dans son cas, également, c'est une finissante de l'Université de Montréal en composition, en musique. C'est sa première installation. Alors, on a dans cette œuvre-là, visuellement, c'est 8 haut-parleurs. Mais les haut-parleurs sont cachés dans des vases de céramique qu'elle a fait elle-même. Et la céramique permet une espèce de couleur vraiment particulière au timbre sonore. Et les sons qui sont utilisés, c'est des sons de céramique qui ont été percutés. Et on a, au niveau auditif, une pièce qui est générative, là, c'est-à-dire qu'elle se construit au fur et à mesure dans la journée. Et puis, c'est des sons, donc je vous disais, de céramique fracassée, mais qui sont étirés, qui sont granulés, donc qui sont traités digitalement. Et puis, elle a également proposé pour, simplement comme à guide, à titre d'éléments de médiation, des bols aussi, des vases de céramique qu'elle a fait, et puis qu'elle n'a pas amplifié, qu'elle n'a pas ajusté de haut-parleur dedans, et puis elle a laissé des baguettes pour que les gens puissent l'utiliser comme xylophone, voilà. Éric, ce volet médiation, c'est même un volet très important là, dans ce parcours, puis c'est quelque chose auquel tu tiens depuis le départ. Oui, bien là, ça commence à prendre une ampleur qui est vraiment insoupçonnée. Là. Cette année, on a eu 54 groupes scolaires, mais également aussi des groupes qui viennent de groupes communautaires de la région. Donc, les groupes scolaires et les groupes de la région sont approchés durant l'année, sont informés de l'activité qui est complètement gratuite, puis qui on offre la tournée par des guides qui sont formés pour expliquer puis montrer ça. Donc c'est un élément important puis qui fait que les gens de la région s'approprient le festival. Puis il faut souligner que l'accueil est vraiment très chaleureux, c'est vraiment bien mené par l'équipe du FIMAF. Que le son vous hypnotise, vous qui êtes le gardien de cette œuvre? Oui, moi, ça m'hypnotise effectivement, parce que ça a tendance à toujours répéter le même son. Il n'y a pas eu beaucoup de modifications depuis 9h ce matin. Et oui, effectivement, ça nous met dans une forme de transe, puis c'est très intéressant, c'est bon. Est-ce que c'est une œuvre qui vous inspire quelque chose? Parce que, bon, il y a beaucoup de références à la fois à la musique, puis à des, je dirais, à des éléments de la culture populaire. Bien, moi, je fais un lien, je sais pas, avec les serial killers, c'est quand même un truc de violence en même temps, une violence qui est là, puis qui est latente toujours. Puis avec la boule de quille, je sens beaucoup de destruction, puis beaucoup de d'éclat, en fait. Éric, on est devant le travail d'Adam Bassanta, un travail assez, bon, qui exprime une forme de radicalité par rapport aux machineries, aux instrumentations de musique, notamment musique électronique, mais aussi, comme on le disait avec Martin tout à l'heure, qui donne des renseignements sur l'œuvre. Bon, c'est une œuvre qui fait référence beaucoup à la culture populaire. Comment tu justifies ton... qu'est-ce qui t'a motivé à retenir le travail de Bassanta, qui est tout de même un travail magnifique, là. L'œuvre est très, très, très, très provocante, une sonorité aussi, comme on le disait, hypnotisante. Bien, c'est ça le travail à Adam Bassanta. Cette proposition-là est assez différente de ce qu'il nous propose habituellement, Adam. Puis là, ici, on a... Moi, tout de suite, là, la première fois que je l'ai... C'est une des seules œuvres qui n'est pas une première mondiale. En fait, c'est la seule œuvre qui n'est pas une première mondiale. Je l'ai déjà vue deux fois à Montréal. Puis c'est une œuvre qui vraiment... Ben, c'est un clin d'œil. Puis c'est ça pour les gens qui ont au-dessus de 40 ans. Tout de suite, on voit le grunge. On voit sur la guitare qui est cassée. On a deux stickers de Nirvana. Un sticker de Nine Inch Nails. Fait que ça nous rappelle vraiment l'époque grunge. Ça, c'est sûr et certain. L'écran dans lequel on a décidé de le présenter, c'est-à-dire dans un conteneur, nous donne encore un côté plus abrasif. Puis il y a un côté très, très, très, très, très adolescent. Un geste d'agression. Mais également aussi, il y a une petite dichotomie dans l'agression parce qu'il y a un splash de peinture rose. Ça avait été rouge, on aurait été dans un autre univers. Ça avait été noir, on aurait été dans un autre. Mais là, le rose vient comme débalancer un peu. Donc, un acte de violence, mais avec une couleur qui n'est pas associée à la violence. Puis un feedback ou un Larsen qui est en continu. C'est ça, c'est une œuvre qui est dichotomique. Puis aussi, en ayant un Larsen qui module, on a quand même une certaine forme de contemplation dans l'agression. Puis pour moi, c'est cette œuvre-là, c'est une contemplation dans l'agression. Éric, on est devant un projet où on est un peu à la fois dans quelque chose de très actuel, mais aussi en référence à l'histoire de la sono, des arts électroniques, des machines aussi, des nouvelles machines électroniques. Alors, on est devant une œuvre de ouais, c'est ça, du duo Ménard-Saint-Amand. Il avait présenté, il y a 4 ou 5 ans, une première version qui était un hommage, justement, aux premières machines électroniques. Puis là, ici, on a un... En fait, c'est une œuvre en trois parties qui recrée quand même un synthétiseur modulaire. Donc, et c'est des objets qui sont magnifiques et puis on peut jouer avec. Donc, c'est son-lumière. Faut dire que le duo, c'est un compositeur avec quelqu'un qui vient du design. Donc, ça donne des objets qui sont vraiment très finis et puis avec une qualité sonore magnifique. Et puis, il y a un mode manuel puis un mode automatique, ce qui fait que la pièce peut vivre d'elle-même sans que les gens jouent. Donc, c'est assez cool, là. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, ici, en fait, ils ont creusé un sol, ils ont mis des haut-parleurs et peut-être un autre système. Et en fait, l'objectif, c'est on se couche au sol. Si on est à l'aise de se coucher, puis qu'on va être sûr de se relever, on met la tête où il y a des cercles de bois. On met la tête là. Puis en fait, on écoute l'histoire, puis les sons, puis on ressent les vibrations aussi. C'est vraiment intéressant, là. Puis si on n'est pas à l'aise de se coucher, on peut aussi aller simplement dessus. Puis au moment opportun, on va ressentir les vibrations aussi. Puis on entend quand même ce qui se dit, là. Je vais faire l'expérience. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine. Merci. Puis vous restez là autant de temps que vous voulez. Je pense que ça dure 25 minutes, la boucle. Non. Faire de rester un petit bout, là. qui vient de faire bouger. En tout cas, oui, ça rappelle le son. On est devant une œuvre de Diotopie. Donc, pour les auditeurs, peut-être nous raconter un peu, là, on est devant deux carrés de pelouse, mais évidemment, qui en cachent beaucoup. Oui, c'est l'œuvre Sédiments narratifs. C'est une œuvre qui est proposée par deux collectifs, là, Audiotopie, qui se spécialise là, dans l'art audio dans les espaces publics, puis sont adjoints le collectif La Quadrature, qui est un collectif spécialisé dans le conte contemporain. Mais le conte, vraiment, ils essaient de le faire éclater dans la diffusion, autant en balado qu'en diverses propositions. Puis là, ici, le moyen de diffusion du conte et de l'art audio, c'est deux carrés, deux trous qui ont été creusés à même le terrain, et puis dans lesquels on a enterré des caisses de son. Les caisses de son font que quand on est proche, on entend quand même la proposition, mais le sweet spot, c'est de se coucher directement sur le carré de pelouse. Et puis, on a une stéréo, on a les caissons de basse. Là, c'est vraiment fascinant là, comme proposition. Je me relève dans mon abri de secours. Il y a un millénaire, j'ai suivi les indications du comité des mesures d'urgence. L'annonce a été faite un jeudi soir. C'est pas mal, hein? Parce que ce qui explique, c'est que dans le fond, le vent se répercute dans les cordes. Mais est-ce que c'est simplement le fait que quand ça tourne, les cordes captent mieux le vent? Ou si le fait que ça tourne là, ça active autre chose aussi? The first reference we have is from Homer, where he talks about Hermes walking along the beach and hearing animal sinew drying on tortoise shells and resonating and singing in the wind. So that's what it is. It's an enormous wooden electronic Aeolian harp. So there's 117 strings. And when the wind blows over the strings, when it traverses through the strings, it creates imperceptible vortices that resonate the string. And each string can resonate at nearly an infinite number of pitches. And they all work in concert together. And you'll see there's the harp portion, and there's these spider legs that come out that are sitting on bicycle wheels. There's these little tiny speakers hidden behind them. And there's... Sorry, that's the harp. Yes, we'll listen to the piece. Listen to the piece. We need the wind. So this piece demands the wind. Okay, so there's this enormous harp and it's sitting on these three spider legs, and each of them has a bicycle wheel, and it's sitting on this large steel track. And there's this enormous tail that's about 6 feet long and 4 feet wide, and the tail is an exact copy of a 1910 Stopwith Camel, which is a old airplane, okay? Yeah. And so the whole thing rotates with the wind. So you have the movement of the strings generating the fundamental sound, and then you have this enormous tail that swings the whole harp around in a circle. And as the apparatus rotates, it actually processes the composition. So the whole thing is electronic. There's no acoustic resonators. There's little tiny microphones hidden inside of the structure that pick up the sound, and it's all processed digitally with algorithmic systems that interact with the wind. And as the whole thing spins, this influences this continuous sound composition. Peter Van Affen, c'est un artiste chercheur. Ça fait deux, je pense, trois ans qu'on est en contact et puis qu'il me propose cette œuvre-là. Et puis au tout début, les premiers prototypes, c'était une pièce qui faisait peut-être 3 mètres de haut. Et puis là, ben, il l'a changé au courant des années, plus en fait en faisant des essais en studio. Puis là, il nous est arrivé avec cette proposition là, qui est magnifique. C'est une sculpture sonore, cinétique, puis qui a aussi un côté contemplatif. C'est une œuvre aussi qui demande de la patience, parce que s'il n'y a pas de vent, il ne se passe rien. C'est vraiment cool. C'est une superbe pièce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Angoulevent. Angoulevent is the night jar from yeah. the eastern forest, right? The desert version that lives where I live in Los Angeles makes a call like this, and its territory is stretching to the north and to the east as the climate is more warming where we live. That sound is the thing that I've been thinking about. So was your fire season last summer here in Quebec and Canada, so was ours in 2020, 21 and 22. The drought and fire are the main immediate climate dangers for us as things are changing in Los Angeles. So what's happening here is I have several graphs of data of change in temperature, change in precipitation, change in fire frequency and intensity in a few places close to here. I think the closest weather station I found data for was from Drummondville, maybe. But so information about Quebec, and that has something to do with how fast, how often, and for how long this bird sound is coming from somewhere in the ring. So. It makes sort of a clock where the sounds we're hearing right now maybe correspond to data from the 1950s or 60s. Yeah. And by the top of the hour, you can hear the sound has saturated the site, and then it resets at the top of each hour. Is it in real time? What we hear? I think I'm mapping about 75 years of information to 1 hour. It's more statistical and reference than actually something that maybe that's reading a sensor at a weather station or something. So since I flew with this, and I make a lot of pieces for the outdoors where I'm not sure if there will be electricity or network potential, I sort of have to do things in the most portable and stupid technological way I can, right? So there's a speaker set up inside of each box that is playing a sound file, and in the aggregate it corresponds to the way the spread of sound would happen. It's really interesting. Thank you. No, thank you very much. Hey, what's your name? Sorry, I'm Tim Feeney. Tim. Yes. Okay. What's your name? Gaëtan. Gaëtan, it's a pleasure to meet you. Yeah. Hey, bonne journée. Merci. Hi. You know what would be fun? Éric, on est devant l'œuvre de Tim Feeney, c'est ça, Tim Feeney. Et avant de parler de Tim Feeney, tu me diras, Éric, c'est la première fois ou parmi les premières fois où tu invites des artistes de l'étranger? En fait, c'est la deuxième fois. La première fois, ça avait été dans les premières années dans lesquelles je m'occupais du parcours. Puis c'était un artiste, Colin Ponto, de Belgique. Et puis là, c'est une proposition d'un artiste états-unien, là, de Los Angeles. Tim, c'est lui qui m'a approché, en fait. Et puis, sa proposition était intrigante. Et puis il était hyper motivé à venir au Québec. Lui, c'est un musicien de formation, c'est un percussionniste de formation qui est maintenant professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. Et puis, beaucoup de ses amis avaient joué au festival et puis il a déjà joué avec Anthony Braxton. Donc, il était hyper motivé puis il m'a fait cette proposition-là. Une proposition qui est super intéressante. Conceptuellement, très complexe, mais super documenté, hyper intéressant. Et point de vue sonore, on est encore là dans le contemplatif, une œuvre aussi qui nous amène ailleurs, qui mérite aussi de la patience, qui mérite de l'écoute, une écoute active. C'est une pièce qui est vraiment magnifique, là. Et Eric, si tu me résumais un peu l'œuvre en tant que telle, parce que c'est tout de même énigmatique comme affaire, hein? C'est des petits tiroirs dans lesquels il y a comme de la paille, du foin. Donc, on a 28 ou 32 boîtes, là, je ne me souviens plus. Dans chaque boîte, donc, on a de la mousse qui est desséchée. Qu'est-ce qu'on ne sait pas, c'est que techniquement, dans chaque boîte, dans chaque petit boîtier, il y a un haut-parleur Bluetooth et un mini ordinateur dans chaque boîte, des ordinateurs qui sont sans fil et qui communiquent entre eux. Et donc, c'est une espèce d'intelligence, une espèce d'informatique commun. Les informations sont données de façon à ce que les haut-parleurs tournent d'une façon régulière. Puis conceptuellement, très rapidement, c'est l'artiste près de chez lui, à Los Angeles. Il y a des oiseaux qui sont l'engoulevent. Et puis l'engoulevent, il y a 75 ans, il n'y avait pas d'engoulevent au Québec. Mais avec le réchauffement climatique, mais également aussi avec les feux de forêt, le territoire de l'engoulevent s'est agrandi. Et maintenant, on en retrouve dans l'Est et même au Québec, tout près dans la région, il y a des engoulevents. Et à toutes les heures, la pièce représente l'évolution du terrain de 1950 jusqu'à une projection en 2100. Et au tout début de l'heure, là, littéralement, au tout début de l'heure, le son de l'engoulevent se trouve à être beaucoup plus lent. Et plus que les années avancent, plus que le son de l'engoulevent va aller plus rapidement. Donc, on va faire un cercle. C'est difficile pour donner l'image à la radio, mais c'est ça. C'est une œuvre conceptuellement très, très forte. Puis aussi, point de vue sonore, on a quelque chose qui est vraiment saisissant. Là. Éric, on est devant une œuvre de Pierre Boulanger, une installation, je dirais, c'est grandiose. Au fond, ça occupe bien l'espace, ça évoque une vague, ça évoque une colonne vertébrale, ça évoque le dandinement des sphères. Franchement, une belle pièce. J'aimerais que tu nous en parles, nous la décrire un peu. C'est une œuvre sonore et cinétique à grand déploiement, en effet. Qui est empreinte de poésie. On est encore là, dans le contemplatif, autant du côté visuel que du côté sonore. On peut avoir un son qui peut se rapprocher des bols tibétains. Là. Et en effet, on a une colonne qui représente bien sûr la vague. Comme tu disais, ça peut être une colonne vertébrale, ça peut être une protéine d'ADN. Disons que visuellement, on a 106 boules bleues d'un côté et 106 boules bleues de l'autre qui sont sur une perche d'acrylique. Donc, ça fait comme un maillet là, pour des percussions. Il bouge sur une sangle, une longue sangle, et un mécanisme qui est somme toute simple, mais en même temps fort complexe, agite une baguette qui se trouve à faire bouger d'un bout à l'autre. Cette sangle-là, ces boules-là, ce qui donne cet effet de vague. C'est une œuvre qui est, ma foi, fort intéressante quand on la regarde de loin. C'est une des rares œuvres que de proche n'est pas si intéressante que ça. Mais de loin, on a quelque chose de hyper intéressant avec un mouvement dans l'espace là, qui est magnifique. Belle mise en perspective des deux notions, celle de vibration versus résonance. Voilà. C'est vraiment intéressant comme travail. Éric, on a pratiquement fait le tour de ces installations cette année. Comme tu dis, des œuvres contemplatives, beaucoup d'œuvres aussi qu'on pourrait qualifier de minimalistes là, dans le jargon des arts sonores, de l'art audio. Et cela dit, la réception du public, là, en tout cas ce matin, on est vendredi matin, il y a beaucoup de gens qui sont déjà là. C'est quoi ton feeling ce matin, là, parce qu'il y a une semaine, ça se termine cette fin de semaine tout de même, mais le commissaire se sent comment? Donc, le festival, d'une façon classique sur le parcours, il y a toujours deux parties au parcours. Il y a la partie du lundi au jeudi, qui est... le lundi au jeudi, en fait, il n'y a aucun festivalier. Parce que les concerts commencent le jeudi et finissent le dimanche. Donc, du lundi au jeudi, c'est le monde de la place. C'est les groupes scolaires. Donc, je vous disais une cinquantaine de groupes, machin. Et là, en tout cas, cette année, il y a eu des belles visites, des belles rencontres. Puis ces rencontres-là, en fait, ont été intéressantes, mais aussi ont été intéressantes à cause qu'on a des super bénévoles cette année. Pour de vrai, l'accueil, il y a une dynamique qui... et puis, je pense que le caractère des œuvres a fait que il y a une réception peut-être un peu moins à reculons. Puisqu'on est plus dans le contemplatif, moins dans l'abrasif. Donc ça, là-dessus, on a eu ça cette semaine. Et là, on est au jour 2 des concerts. On voit les festivaliers, on les remarque. Et c'est un très bon signe parce que habituellement le vendredi, il n'y a pas tant de festivaliers, surtout que là, on est avant midi. Là, j'en ai rencontré une bonne trentaine de festivaliers. Ça s'annonce très, très bien. Il y a des œuvres dans le parcours aussi qui sont des œuvres pour des musiciennes et des musiciens. Là, puis ça, j'ai hâte d'entendre là, un peu les commentaires. Donc, jusqu'à présent, ça marche super bien. Je suis hyper content. Éric, opération réussie ce matin. Très agréable d'avoir arpenté ce beau site de Victoriaville où on retrouve les installations sonores. Grand merci de m'avoir accordé cette rencontre ce matin. C'est toujours un plaisir, reporter Gaétan. Hey, salut. CKRL 89.1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Écoutez La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes CKRL de 89.1. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver. Alors, je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Eh bien, j'accueillais les artistes qui participaient à l'édition 2024 du parcours sonore du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Dans lequel on retrouvait les artistes Adam Bassanta, Audiotopie et La Quadrature, Pierre Boulanger, Flo Brisebois, Tim Feeney, Peter Van Affen, le duo Ménard-Saint-Amand et Jean-François Laporte. Évidemment, tout ça mené, conduit par Éric Dorion, le commissaire de l'événement. Alors, pour compléter le parcours de ce soir, je vous fais entendre quelques-uns de ces artistes, dont une création sonore, pour débuter, là, de Flo Brisebois, intitulée Cédar Avenue, Avenue des Cèdres. C'est tiré d'un projet, très beau projet, intitulé Veille. Alors, on écoute ça. très belle pièce de Flo Brisebois qui participait à la dernière édition du parcours sonore du Festival international de musique actuelle de Victoriaville. Alors voilà, ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir en compagnie des artistes, bénévoles, commissaires du parcours sonore du FIMAV édition 2024. Grand merci évidemment aux artistes de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres et ainsi que de leurs propos sur leurs œuvres, ainsi que toute l'équipe du FIMAV là, qui a été très à l'écoute, très collaboratrice. Alors voilà, restez des nôtres, c'est Mathieu Johnson qui s'amène dès 22h avec son magnifique Rock Medium. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h sur les ondes de CKRL, votre radio qu'on s'intonise au 89.1 et qu'on retrouve sur la toile évidemment. Et tout ça pour une autre aventure sonore. Alors, pour clore la soirée, je vous propose qu'on écoute une création de Peter Van Haften. C'est intitulé « Étude numéro 1 ». C'est tiré d'un projet intitulé « Process and Control ». Là encore, il explore les bidules électroniques, numériques. Alors voilà, au microphone dans Limoilou, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.